Acteur, une initiative de l'APACW. Ce soir et la nuit prochaine, le ciel continue à se couvrir et de fines pluies gagneront le pays malheureusement, minima de 5 à 8 degrés. Demain, moins de vent mais un ciel plombé sur le sud du pays, quelques gouttes résiduelles possibles localement et des maxima de 11 à 14 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Feu nourri de questions pour Charles Michel à la Chambre. Le premier a dû s'expliquer sur les raisons de son retard concernant le budget. Il a rappelé qu'il travaillait sans relâche pour aboutir. Il demande aussi à ses troupes de surmonter leur division. Vous les entendez hurler, chanter, ils sont déguisés, parfois tondus. Enfin, ça se termine. Les bleusailles des étudiants touchent à leur fin. Dans les unifs, les hautes écoles, les bleusailles toujours perçues comme d'innommables beuveries ne sont plus ce qu'elles étaient. Les bleus, les nouveaux, les lapins, comme on les appelle à Jean Blou, sont censés s'abstenir de boire. Si on voit un lapin boire ou qui est dans un état d'ébriété, moi c'est clair et net, il arrête son baptême. Reportage au cœur de la bleusaille jean-bloutoise dans un instant. Dans ce journal aussi, nous suivrons un contrôle de l'AFSCA, l'Agence fédérale de la sécurité alimentaire, dans une grande surface. L'AFSCA est parfois critiquée pour ses méthodes. Vous entendrez qu'elle est aussi très utile dans certains cas. Les terrains de sport synthétiques sont-ils dangereux pour la santé? Ils contiennent des produits toxiques. Certains leur reprochent de provoquer des cancers. Et puis en fin de journal de la musique, celle de Bob Dylan. Bob Dylan qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Nous joindrons un spécialiste des paroles des chansons de Bob Dylan. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Au Parlement, nouvelle volée de bois vert contre la politique du gouvernement. Oui, cette fois le Premier ministre était là pour l'entendre. Et du côté de l'opposition, Marc Sirleau, ils s'y sont tous mis pour critiquer le gouvernement. Oui, l'opposition n'a pas mâché ses critiques à l'égard du Premier ministre. Jean-Marc Nollet, pour Écolo, estime notamment que la responsabilité de Charles Michel est engagée comme chef d'équipe. De son côté, Loretton Cullings, pour le PS, a fait référence au nouveau prix Nobel de littérature, Bob Dylan. Il disait, à un moment donné, dans l'une de ses chansons, « Combien d'oreilles un homme doit-il avoir avant qu'il puisse entendre le peuple crier ?» Alors, Monsieur le Premier ministre, des réformes, c'est bien, mais si c'est pour diminuer le bien-être de la population, assurément, c'est non. Charles Michel s'est bien sûr défendu en devant notamment reconnaître les difficultés actuelles rencontrées par son gouvernement et le Premier ministre d'interpeller sa majorité. Le choix de ce gouvernement, c'est de continuer d'arrache-pied dans les heures qui viennent, à tout mettre en œuvre pour conclure les tout derniers arbitrages, à faire en sorte que l'on garantisse de la stabilité. Et je veux profiter de ce moment, bien sûr, pour lancer un appel que chacun, dans les heures qui viennent, fasse preuve du sens des responsabilités. En attendant, pour l'instant, le gouvernement n'a toujours pas ficelé son budget, ni trouvé d'accord sur la réforme de l'impôt des sociétés et sur la taxation sur les plus-values financières. Catastrophe évitée de justesse mercredi dernier à Zaventem. Deux avions ont failli entrer en collision. Pour certains observateurs et certains pilotes, le problème trouve son origine dans le croisement des pistes d'atterrissage et de décollage certains jours de grand vent. Du côté du contrôleur aérien Belgo Control, on parle d'un incident dû à une erreur humaine. Le pilote de l'avion qui décollait n'a pas écouté les injonctions qui lui demandaient de rester au sol. Le ministre de la Mobilité, François Bellot, doit répondre à une question des parlementaires à ce sujet à la Chambre. Judiciaire, à Malines, le procureur du roi réclame un an de prison ferme à l'encontre de Montasser Aldemé. Montasser Aldemé se présente comme un universitaire, expert en déradicalisation. Son avocat a rappelé cet après-midi devant le tribunal qu'il avait rendu de nombreux services, qu'il avait évité des départs en Syrie et qu'il fallait expliquer son comportement en tenant compte de ce contexte. Il faut dire que l'homme est accusé d'avoir tenté de faire sortir de prison à Anvers un jeune homme proche du mouvement Sharia for Belgium en lui fournissant de fausses attestations. Opération spéciale dans les commerces ixellois. L'AFSCA se focalise cette semaine sur cette commune bruxelloise. Les agents de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire mènent des contrôles approfondis. Restaurants, boucheries, boulangeries, mais aussi commerces de détail, crèches, cantines scolaires. L'objectif, c'est de sensibiliser au respect des normes en matière d'hygiène, de traçabilité ou d'étiquetage. L'action a été annoncée, mais les opérateurs, mais tout le monde n'est pas encore en règle, Jérôme Durand. Vous connaissez la température à laquelle ils doivent être conservés, les produits qui sont dans le frigo ? Dans cette épicerie de produits exotiques, comme ailleurs, Guillaume Boucher commence son inspection par le respect de la chaîne du froid. Ok, la température est correcte. Donc le surgelé, ça doit être à moins 18 degrés. Frigo, surgélateur, tout est contrôlé, la température comme les denrées. Mais par contre, il y a un souci, c'est que il y a des produits qui ne sont pas emballés, et des poissons qui sont... non emballé. Mais ici, la principale infraction se trouve dans le stock où gisent à terre des déjections de rongeurs. Après, c'est pas très étonnant, vous voyez, il reste des grains de riz par terre, etc. Ouais. Si vous avez des restes alimentaires, ils peuvent venir toutes les semaines, ça changera rien. Donc, Le patron de cette épicerie s'en sort avec une amende administrative. Il sera recontrôlé le mois prochain et dans 6 mois. Ces contrôles, il leur reconnaît malgré tout une utilité. Je pense que de temps en temps, c'est efficace. Ça va trop loin parfois ? Ça demande beaucoup de temps. En une semaine, 20 contrôleurs de l'AFSCA inspecteront 350 commerces ixellois. Il y a évidemment des activités qui présentent plus de risques que d'autres. Donc voilà, boucherie, poissonnerie par exemple, on manipule quand même des denrées qui doivent être à des températures plus basses qu'un fromage en tranche pré-emballé par exemple. Les fréquences de contrôle varient donc d'un type de commerce à l'autre, 2 ans ou 4 ans selon les cas. C'est la fin des baptêmes dans les universités et les hautes écoles ces jours-ci. Oui, les bleusailles, vous le savez, ça fait débat. On parle parfois de débordements, d'accidents. Enfin, un peu moins ces temps-ci. Il faut dire que pour éviter ces dérapages, plusieurs unifs imposent des règles strictes. Pas d'alcool pendant les activités. Exemple, à Agrobiotech, à Jeanbloux. Reportage Éric Destiné, Simon Bourgeois. Dernière activité de baptême pour ces nouveaux étudiants. Ici, on ne dit pas les bleus, mais les lapins. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas de bière, que de l'eau. Johan François, le président du comité, est intransigeant là-dessus. Les lapins ne boivent pas de la première à la dernière guindaille. Si on voit un lapin boire ou qui est dans un état d'ébriété, moi, c'est clair et net, il arrête son baptême. Promis ici, ce qui compte, c'est la dignité et la sécurité avec un objectif, éviter les comas éthyliques, les accidents et aussi les traumatismes psychologiques. On est suivi, si on a quel que soit comme problème, on vient directement nous voir, si on a trop froid, si on se sent pas bien, on n'a pas assez bu, on est directement encadré. C'est vrai tout ça ? Oui, c'est vrai. En début d'année, le cercle étudiant signe une charte avec l'université, 6 pages pour un folklore responsable, avec une réflexion éthique aussi sur le sens de ces bizutages. Une autre règle dans le document, certains organisateurs aussi doivent rester sobres. Lucie, par exemple. Je m'occupe de qui est le matériel de secours et des extincteurs et tout ça à chaque fois qu'on fait quelque chose. Je suis aussi la personne de référence des lapins. Donc s'ils ont un problème, ils savent très bien qu'ils peuvent venir me parler, ils ont mon numéro de téléphone. Sécurité et responsabilité donc pendant les activités de baptême. Avant et après, évidemment, rien n'empêche de boire un coup et parfois plus. Le sud-est de la France est en vigilance orange à cause des vents violents et des orages. Les écoles sont fermées dans l'Hérault. Des événements, des concerts sont annulés. Même les cérémonies d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice, des cérémonies prévues demain, ont été annulées. En France toujours, le premier débat télévisé de la primaire à droite. 7 candidats vont se retrouver côte à côte pour la première fois depuis le début de la campagne officielle. Le retour aussi de Jacques Chirac à la maison. L'ancien président était hospitalisé depuis le 18 septembre. Enfin, en Thaïlande, le roi Bhumibol Abdullayej est décédé à l'âge de 88 ans. Il était monté sur le trône à l'âge de 18 ans. Son règne a donc été d'une longévité sans pareil. Le prince héritier, accrochez-vous, Maha Vajira Langkorn, il va falloir du temps pour qu'on retienne son nom. Le prince héritier donc a demandé un peu de temps avant de devenir roi. C'est The Place to Be en ce moment, la librairie de l'Europe, rue Chazal à Scarbeck. Oui, je me demande même si c'est pas un tout petit peu près de chez vous, là, Cyril. Ah, c'est tout près, ouais, c'est pas loin. Figurez-vous que c'est dans cette librairie qu'un chanceux a validé le billet gagnant de l'Euromillion. Si ça tombe, vous le croisez tous les jours. Il a gagné 168 millions d'euros. Il avait misé 15 euros. Il emporte la plus grosse somme jamais remportée auprès de la Loterie Nationale, tout jeu confondu. Le Bruxellois de plus de 45 ans joue depuis 10 ans. Et le libraire, lui, eh bien, il est tout retourné de cette nouvelle. Choqué, étonné, vraiment étonné, donc voilà. Vous restez encore un peu sous le choc ? Oui, quand même, avec la presse, les visites, les regards, voilà. Le libraire hein, qui ne s'attendait pas à être au centre de l'attention, il l'a dit à Hélène Maquet, le gagnant, lui, eh bien, il garde l'anonymat. Il a expliqué à la loterie qu'il comptait verser une partie de la somme à une bonne œuvre et qu'il continuerait à jouer à l'euro-million. Ah bah c'est joli ça. Faut-il avoir peur des terrains de foot synthétiques ? Sont-ils dangereux pour la santé, Manu ? Le sujet fait débat. On a parlé des blessures, voire des brûlures que les gazons synthétiques pouvaient occasionner aux joueurs. Il se dit aussi que ce fameux gazon pourrait être cancérigène à cause de ses composants, reportage Françoise Aleski. Ils fleurissent aux quatre coins du pays, mais ils sont tout sauf naturels. Les terrains de sport dits synthétiques sont en fait composés en grande partie de pneus recyclés. On les retrouve sous forme de granules en caoutchouc destinés à rendre le terrain plus élastique. Des granules qui, selon leurs détracteurs, pourraient donc contenir des produits toxiques comme le plomb ou l'arsenic. La société belge Domo est la plus grosse productrice de gazon synthétique en Europe. Le directeur des ventes, Jean Willems, l'assure, les 1000 terrains vendus annuellement sont tous testés et homologués. Il y a des laboratoires qui testent chaque terrain. Donc nous, on ne peut pas construire un terrain, par exemple en Belgique, sans que aussi bien le gazon synthétique que le lestage, donc c'est ces billes de caoutchouc noir, soient testées. Et on reçoit bien sûr aussi les rapports des laboratoires agréés par la FIFA, qui nous donne effectivement des certificats comme quoi le produit peut être utilisé. Et pourtant, le gazon artificiel est pointé par certains comme responsable de l'apparition de cancers chez les utilisateurs, notamment en cas de contact de ces grains de caoutchouc avec des plaies ouvertes. Des enquêtes sont en cours aux États-Unis, aux Pays-Bas et même en Belgique, côté néerlandophone. En attendant les résultats scientifiques, l'Union belge de football dit suivre ce dossier très sérieusement. La société Domo, elle le souligne, elle n'a jamais reçu aucune plainte jusqu'à présent. Nous, jamais, non. On n'a jamais reçu ce retour d'information en tous les cas. Un sport encore en tennis, David Goffin est en quart de finale du tournoi de Shanghai. Le Liégeois l'a emporté face à Gaël Monfils, 4-6, 6-4, 6-2. Goffin affrontera Andy Murray en quart de finale. Un rocker reçoit le prix Nobel de littérature. Oui, Bob Dylan. Alors Bob Dylan, c'est lui. Chanteur, compositeur, poète, peintre, 75 ans aujourd'hui tout de même, hein, Bob Dylan, la fine moustache, les lunettes de soleil, le chapeau, il frappe ici aux portes du paradis. Mais Bob Dylan en tout, c'est 700 chansons. Avec nous, Nicolas Reynaud, auteur de deux livres en France sur les paroles de Bob Dylan, Notes d'Arquiet, pas encore noir, et Figure de Bob Dylan. Nicolas Reynaud, bonsoir. Bonsoir. Alors Bob Dylan, forcément, ça vous parle un peu. D'abord, ce prix, cette récompense, ça vous étonne ? Alors ça m'étonne cette année, effectivement, parce que ça fait plusieurs années qu'il est cité comme un potentiel Nobel de littérature. Et ça fait plusieurs années qu'il ne l'a pas et ça paraît assez logique. Et cette année, apparemment, il n'était pas favori. Et puis il l'a eu. Donc oui, c'est un peu étonnant. Alors, elle parle de quoi, ces chansons à Bob Dylan ? Parce que c'est vrai, on a tous un air de Bob Dylan dans la tête, mais on n'écoute peut-être pas spontanément, naturellement les paroles. Elle parle de quoi, ces chansons ? Alors, ces chansons, elles parlent de plein de choses, évidemment. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que si Dylan a le prix Nobel de littérature, c'est parce qu'il écrit de belles paroles. Et je crois que ce qu'il a toujours dit, c'est que ses paroles vont avec de la musique. Et c'est aussi en fait étonnant de lui donner un prix Nobel. Elle pourrait vraiment pas marcher toute seule. Ça pourrait rien, ça veut rien alors, dire si on ne fait que les lire. Si, ça veut dire quelque chose, mais je pense qu'elle s'est pensée pour être sur de la musique et c'est indivisible. On va dire ça, c'est quelque chose qu'il répète à longueur d'interview, même s'il n'en fait pas souvent. C'est vraiment fait pour être écouté. Et vous, si vous deviez en retirer une, vous qui avez travaillé sur pas mal de textes, lequel vous mettriez en avant ? Alors, ça serait Sad Eyed Lady of the Lowlands, la balade de 11 minutes qui clôt son album, son double album Blonde on Blonde paru en 66. C'est la seule chanson qu'il n'ait pas jouée sur scène, alors qu'il a repris des dizaines, des centaines de fois ou des milliers de fois ses plus grands titres. Et celle-là, elle a un caractère un petit peu sacré. Et elle parle de quoi ? C'est une bonne question. Je pense pas que quelqu'un d'honnête pourrait y répondre pertinemment. C'est une dérive onirique sur certainement une femme et les traits de son visage. Et puis, enfin, c'est vraiment onirique et c'est difficile de donner du sens à cette chanson. Et je crois que c'est justement parce qu'elle n'a pas un vrai sens qu'elle est aussi intemporelle ou atemporelle. Nicolas Reynaud, deux livres hein, sur les paroles de Dylan aux éditions Le Mot et Le Reste, et puis un roman qui vient de sortir, La mort de Dylan. Et on a retrouvé le titre dont vous parliez, Sad Eyed Lady of the Lowlands, La dame des plaines aux yeux tristes. On va donc finir en musique. On ne va pas vous la faire en intégrale, hein, parce qu'en fait, elle ne fait pas 11 minutes, comme disait Nicolas Reynaud, mais 19 minutes sur notre version. Là. Bah, sinon, on a des trucs à faire, hein, si vous voulez. On écoute les 19 minutes et puis on va faire un tour. Enfin, je ne sais pas, on fait quelque chose. On se boit un petit godet, on écoute du blues. Vous voulez on écoute... En plus, là, on a arrêté juste quand il s'est mis à chanter. Oui, c'est ça, c'est dommage. C'est dommage. Bon, bah, si avant 17h30, on a l'occasion, on écoutera le moment où il chante, parce qu'on a eu l'intro. Autant mettre quand il chante, on va essayer de faire ça avant 17h30. Merci Manu, vous revenez tout à l'heure. Oui, pour les titres à 17h30. Bah, ouais. Ah, bah, oui, il y a titre à 17h30, on n'a pas le temps d'écouter la chanson en entier. On essaie de se faire un extrait où il chante dans un instant, bougez pas. Il est 17h16. On jette un petit coup d'œil sur l'état de la route. Comment ça roule cet après-midi? On va le savoir dans ce RTBF Mobile Info grâce à Pierre Collard-Bovy. Bonjour Pierre. Et c'est à la durée des chansons qu'on remarque que c'est pas du yéyé. Le yéyé, c'est à 2 minutes 30. Ah bah ça, c'est voilà. Vrai, effectivement. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et tous. Alors, des ralentissements dans le chantier de Charade sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles. Vous ralentissez dans les deux sens, aussi bien vers Bruxelles que vers l'Allemagne. Sur le 42 Namur-Liège, dans le chantier entre à Orion, aux Aimons, vous ralentissez vers Liège, entre Saint-Georges et Orion. Chantier au 19, Mons-Bruxelles, le chantier entre Arkène et Famille-Heureuse, vers Bruxelles, c'est fluide, vers Mons, vous ralentissez entre Nivelles et Feluy. Sur le 42, Mons-Liège, entre Boisdaine et Maninges, ça c'est le chantier, vous ralentissez vers Mons, entre Chapelle, Lerlément et Boisdaine, vers Liège, ça roule. Ralentissement engendré par les travaux encore sur le petit ring de Charleroi, où on assiste à de gros embarras de circulation, avec des répercussions sur la N90 venant d'Anderlu et de Charleroi. Vous ralentissez dans la plupart des tunnels de la capitale. À l'heure qu'il est, concernant le ring de Bruxelles, plus 30 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 18 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 10 minutes pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem. Vous ralentissez également pour quitter Bruxelles sur le 314 vers Lumen entre Everlay et Holzbeck et sur le 429 vers Tournai depuis Halle. Et puis on rappelle que la chaussée est toujours fermée sur la N53 Chimay-Charleroi à hauteur de Beaumont en raison d'un accident grave qui s'est déroulé ce matin. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood. Des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Il est 17h18, bienvenue dans ce nouveau 5 à 7 qui démarre jusqu'à 19h où vous allez être gâtés. 650€ de cadeaux, ça c'est la première chose qui tombera ce soir avant 18h. Et quand je dis chose, c'est une très très belle chose, deux belles choses. Une paire de boucles d'oreilles en or véritable et en or équitable aussi, surtout. Et ça c'est important, vous allez repartir avec ça avant 18h, je vous explique comment dans quelques minutes. Vous repartirez aussi avant 19h avec d'autres cadeaux, des places pour aller voir Pascal Légitimus. Il était dans Les Inconnus avant, alors il y a des rumeurs de peut-être qu'ils se reformeront, qu'ils feront peut-être quelque chose ensemble. En attendant, il est tout seul sur scène, Pascal Légitimus, c'est bien drôle, et vous allez pouvoir aller le voir, c'est dans le cadre du Vous Rire, Festival International du Rire de Liège, ce sera avant 19h. Sinon, dans l'actualité aujourd'hui, on reviendra sur la grosse sortie de ce soir. Quand je dis ce soir, c'est à minuit. À partir de minuit, vous pourrez acheter le nouveau Harry Potter. Et alors, acheter à minuit, vous dites, ouais, mais les magasins sont fermés, les librairies, il n'y a plus personne le soir. Eh bien, si, il y a des librairies qui seront ouvertes tout à l'heure à partir de minuit pour que les fans puissent acheter le fameux livre, le dernier Harry Potter. On en reparle dans quelques minutes dans ce 5 à 7 sur Vivacité. On va parler de mode aussi ce soir. Vous connaissez la Fashion Week à New York, la Fashion Week à Paris. On y a vu d'ailleurs le chanteur belge Stromae il y a quelques jours qui était particulier. Il avait un look un peu spécial par rapport à d'habitude. Et donc il y a les DS Brussels Fashion Days qui fêtent leur 5e édition cette année. On va en parler. Est-ce que c'est aussi fort, aussi puissant que la Fashion Week de Paris ou de New York? On va

Ça, c'est du boulot. Bon, Michel, ce soir, sortie donc du dernier Harry Potter. Et quand je dis ce soir, c'est qu'à minuit, il y a des librairies qui seront ouvertes pour pouvoir permettre aux fans d'avoir en tout premier cette suite des aventures d'Harry Potter. Ça arrive souvent qu'on ouvre des librairies aussi tard, enfin en pleine nuit, pour une sortie de livre ? Alors, je dirais oui et non. Dans l'espace francophone, donc France et Belgique, non, c'est exceptionnel, c'est le phénomène Harry Potter. Il ne faut pas perdre de vue que dans le reste du monde, entre autres aux États-Unis, il y a des librairies qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah bon ? Donc, oui, donc ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est quoi le besoin d'être ouvert 24 heures sur 24 ? C'est quoi ? En pleine nuit, tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai envie de lire un livre, il me le faut absolument, non, on y va ? Oui, mais ils considèrent en fait que c'est d'abord être orienté client et que le client, si, je ne sais pas moi, il travaille très tard, où il y a des horaires décalés, qu'il dit à 3h du matin, je rentre du boulot, j'ai envie d'un bouquin, ou j'ai envie d'un produit culturel, hein, traditionnellement un jeu vidéo ou un DVD ou que sais-je, ben, j'y ai accès. Voilà. C'est aussi un parallèle, la loi leur permet. Ouais. D'autre part, on sait très bien aussi qu'un gros concurrent, tout ce qui est achat culturel, vient des achats en ligne. Forcément. Et là, il n'y a pas de limite horaire. Pas de limite horaire, effectivement. Donc, ici, il y a des gens donc, qui vont faire la file à minuit pour acheter le nouveau Harry Potter. Est-ce qu'il y a un intérêt, sincèrement, à y être absolument à minuit, puisque demain, ce sera le même livre en librairie sans faire la file et sans se lever en pleine nuit ? Ah ben, ça pose alors la question à eux. Moi, je ne vois pas l'intérêt, puisque je pense qu'en plus, Gallimard a dû avoir un tirage qui doit avoisiner. Alors, de mémoire, dans les articles, lui, ils annoncent 600 000 exemplaires. Ah ouais. Alors, à mon avis, ça doit être moins, parce que là, on gonfle le chiffre pour vraiment faire l'événement, ou peut-être que les tirages vont être splittés différemment, je ne sais pas trop quoi. Mais vous aurez du Harry Potter, hein, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde pourra en acheter, il n'y a pas de problème. Tout le monde pourra en acheter, tout sera fait pour que tout le monde puisse en acheter, et c'est déjà annoncé comme la plus grosse vente de l'année, d'ores et déjà, rien que sur les précommandes. Donc, alors ce soir, absolument donc, aucun problème. Ce sera ouvert à minuit. Aujourd'hui, là, à 17h30, on ne pourrait pas avoir une librairie qui le vend déjà, ce Harry Potter, sans nous pousser à nous lever en pleine nuit ? Alors ça, c'est interdit. C'est justement ça la réponse. Et donc techniquement, on ne devrait même pas dire que c'est ce soir à minuit, mais ce sera demain matin à minuit une. Ah, d'accord. Pour être précis. Parce que la technique, enfin, il y a une règle qui dit que bon, 6 mois avant la mise en vente d'un livre, les représentants vont chez les libraires et leur annoncent une date de parution, enfin leur annoncent le catalogue à venir, les dates de parution, et les libraires prennent des quantités. Ces dates sont fixées, ils sont les mêmes pour tout le monde, de façon à ne pas créer de fausses concurrences. Donc on peut se dire qu'au même moment, quelqu'un qui irait dans une librairie en Corse, à Paris, à Bruxelles, à Moucron, à Liège, ou que sais-je, a accès au même livre au même moment. Voilà. Même chose, c'est une façon de contrer la rapidité éventuelle des sites de vente en ligne. Ils ne peuvent pas vendre le livre dès aujourd'hui, ils doivent attendre la même date que le libraire. Voilà. C'est pour éviter une concurrence déloyale de grosses structures par rapport à des petites structures, et ainsi de suite. Est-ce après, que vous l'avez déjà le reçu fait ce qu'il veut. Oui, le... Non, non. Non. Mais moi, je l'ai lu en anglais, donc je n'ai pas cherché à l'obtenir en français. J'imagine que Gallimard a fait circuler des services de presse en français, mais je n'ai pas couru derrière. Voilà. Mais ça, bon. Les services de presse, c'est connu. Hein. Là, maintenant, je vous demande le droit de l'avoir qui paraîtront au mois de mars de l'année prochaine. Donc, ouais. Ça, c'est... On a le droit de le lire, mais pas de le revendre. Attention. Voilà, mais pas de le vendre. Merci beaucoup, Michel, pour toutes vos explications. Et courage aux fans qui, ce soir, vont se lever en pleine nuit dans le froid pour aller chercher. Allez-y déguisé, alors, si vous êtes fan. Faites-le à fond. Ça peut être sympa. Faites-le à fond. Ah ouais. Quelle ambiance. Et retenez bien la formule magique pour que le livre soit gratuit à la caisse. Voilà. Peut-être que Harry peut vous aider. Oui. Ça, c'est important. Merci Michel. Bonne soirée à vous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Il est 17h28. Dans un instant, la suite du 5 à 7. On va parler de sport dans quelques minutes et on va s'intéresser au DS Brussels Fashion Days. En gros, c'est comme la Fashion Week à Paris, comme à New York, mais chez nous à Bruxelles. Il est question de mode. On en parle dans quelques minutes. Ouais. Le salon de l'alimentation, tu connais, hein? Oh, bah ouais, j'ai mangé du homard, mais bon, hein, et pas cher. Et un couscous, mon ami. Et les meilleurs frites du monde aussi, et hein? Tous ces pays qui présentent tous ces ustensiles. Ça, j'adore. Un marché couvert, mais en mieux. Et pour le doublon, tu peux tester plus que 250 bières. 250, oui. Ça, c'est beaucoup pour moi, hein. Ouais, mais tu rentres en métro, hein? Ah, ouais. Ouais. Dis, le salon de l'alimentation. Ouais. Même si tu passes beaucoup de temps, c'est tellement bon que tu trouveras jamais salon. Le salon de l'alimentation à Bruxelles Expo du 15 au 23 octobre. Avec Sud Presse. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah,

à jusqu'à 20 degrés dimanche. 17h34 sur les routes, comment ça se passe? C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Il y a des ralentissements dans la plupart des travaux, bien évidemment, sur les grands axes routiers. J'allais vous annoncer un accident à Bruxelles dans le tunnel Leopold 2, mais c'est terminé déjà, donc je ne vous l'annonce pas. Je le retire automatiquement. Sinon, ralentissement dans la plupart des tunnels de la capitale et sur le ring de Bruxelles. Notez ces 29 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 21 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 13 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem et plus 12 pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem. Vous ralentissez également sur les axes pour quitter la capitale sur le 429 vers Tournai à partir de Halle et sur la Nationale 5 vers Charleroi. Il y a des files depuis Braine-l'Alleud et vous perdez une grosse dizaine de minutes. On rappelle que la Nationale 53 Chimay-Charleroi est toujours fermée à hauteur de Beaumont en raison d'un accident grave qui s'est déroulé ce matin. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. En sport, il y a un joueur qui a complètement pété les plombs au tennis. Vous avez peut-être vu les images qui ont été tournées au tournoi de Shanghai. On en parle dans un instant avec David Bertrand. À 17h35, je vais vous poser la question aussi qui vous permet de repartir avec des beaux cadeaux aujourd'hui, des boucles d'oreilles en or équitable d'une valeur de 650 euros. Écoutez bien la question. Tout ça, c'est offert grâce à la coopération belge au développement. Qui parmi ces célébrités possède une bague faite en or équitable? Est-ce A, la princesse Kate, SB, la princesse Mathilde, ou alors C, la pas princesse Madonna? Si vous avez la réponse, vous envoyez équitable, suivi de A, B ou C au 6003 pour 75 centimes le message, et peut-être à vous, donc ces boucles d'oreilles en or équitable d'une valeur de 650 euros. Maintenant chez Ici Paris Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparisexcel.be. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. Vivez vos vacances en toute liberté. Mobicar, salon international de la caravane et du motorhome. Plus de 600 modèles et toutes les nouveautés 2017. Mobicar, du 20 au 25 octobre à Brussels Expo. Plus d'infos sur mobicar.be. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Surtout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis. C'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Au bonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. 5 à 7. Avant de parler mode dans un instant dans ce 5 à 7, on va déjà accueillir David Bertrand. Bonsoir David. Et pourquoi je suis pas à la mode ou quoi que vous dites? On va parler de mode après. Bah alors vous le prenez comme vous voulez. Et bah si vous voulez, vous restez pour parler de mode après et on verra si vous êtes fashion ou pas. Ça va. Avant ça, on va parler de comportement de certains bad boys du sport. Oui, et si je vous parle de bad boys dans le sport et dans le tennis en particulier, vous allez penser probablement à John McEnroe, évidemment, qui a cassé plus de raquettes de tennis qu'il n'a remporté de tournois sur sa carrière et qui aimait bien balancer tous les noms d'oiseaux qui lui passaient par la tête au gars assis sur sa chaise. McEnroe, eh bien, il a fait des petits et l'un de ses illustres disciples s'appelle Nick Kyrgios. Vous avez peut-être vu ces images. Ouais. L'Australien est 15e joueur mondial hein, quand même. C'est lui d'ailleurs qui a battu Goffin en finale à Tokyo le week-end dernier. Et c'est un petit nerveux, hein, celui-là. Hier, à Shanghai, il a complètement balancé son match. Il a servi comme un débutant. Il a envoyé des retours de service au plafond. Il a vraiment laissé filer le match. Il a logiquement été rappelé à l'ordre par l'arbitre. Mais comme tout bad boy qui se respecte, ça n'a fait évidemment qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et il a continué. Il a perdu son match. Il a quitté le terrain sous les sifflets du public. Mais il ne s'est pas pour autant calmé. En conférence de presse d'après-match, à laquelle il a probablement assisté uniquement pour éviter l'amende, il s'en est justement pris au public en disant que les gens n'y connaissaient rien. Il a même lancé un truc du genre « Je ne vous ai pas demandé de venir me voir jouer. Si ça ne vous plaît pas, partez. Et si vous n'y connaissez, si vous y connaissiez quelque chose au tennis, ça se saurait et vous seriez comme moi sur le circuit. » Eh ben, il est sympa ce bonhomme. Alors forcément, on ne peut pas cautionner ce genre de comportement, mais globalement, il fait quand même ce qu'il veut, non ? Oui, certes, on peut dire ça, mais le respect du public et de l'adversaire, c'est tout de même quelque chose qui mérite un peu d'attention de sa part. Vous savez que comme tout sport, le tennis est un spectacle. Des gens payent pour venir voir des matchs et donc assister à un spectacle. Ils n'ont pas envie de voir des caprices de stars comme ceux-là. Imaginez, vous payez une place pour aller voir un concert et sur la scène, le mec fait volontairement de faux accords, il joue n'importe comment et puis il coupe court au concert en disant que de toute façon, vous ne savez pas chanter. Franchement, je ne pense pas que ça vous ferait plaisir si on met ça en perspective. Ça y ressemble un peu quand même. Forcément, oui. Alors ce Kyrgios, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de lui. Il n'en est pas à son coup d'essai. Non, c'est un petit caractériel qui a l'habitude de ce genre de choses. Hein. Certes, tous les joueurs de tennis ont déjà balancé une balle par-dessus les bâches ou défoncé une raquette quand rien ne va et qu'on ne trouve pas son jeu. De là à insulter les gens et à leur manquer de respect, il y a un pas. Kyrgios, lui, il s'en est déjà pris à ses adversaires aussi lors du tournoi de Montréal l'année dernière. Il avait balancé des propos assez peu engageants à l'égard de la copine de Wawrinka en disant en substance que la demoiselle avait la cuisse légère. Le problème, c'est que les micros installés le long du terrain avaient capté toute la scène. Le monde entier avait relayé les propos de l'Australien qui avait dû s'excuser. L'Australien qui ferait mieux de se mettre au yoga ou à la clope pour détendre un peu l'élastique de son slip. Hein, c'est joliment dit. En attendant, il a écopé de 15 000 euros d'amende. L'information vient de tomber. Le bad boy de Canberra paye là ses nouveaux excès, évidemment. 9 000 euros pour manque d'investissement dans la rencontre, 4 500 pour injure envers un spectateur et 1 500 pour comportement antisportif. Comme quoi, hein, de temps en temps, on paye ses erreurs. Eh ben, c'est bien ça. Et on ne les reprendra peut-être plus. Ben, on ne sait pas. Parce que, voilà, de temps en temps, quand il perd un match, c'est dommage parce qu'il a énormément de talent, ce garçon, mais il a un peu de mal à contenir sa colère et son énervement quand il n'arrive pas à développer son jeu. Bon bah on va lui acheter des huiles essentielles qui apaisent. Voilà. Merci David. À tout à l'heure pour le journal des sports. Vous voulez rester pour parler c'est mode pas que j'ai pas envie, mais je vais aller préparer mon journal. Quand même. Ça. Il a pas minimum envie d'entendre qu'il est pas fashion, le gars. À tout à l'heure, David. Il est 17h42. 5 à 7. Bon, je sais pas si les chaussettes rouges et jaunes à petits pois, c'est vraiment le truc le plus fashion, mais c'est les DS Brussels Fashion Days qui vont fêter leur 5e édition cette année. C'est à partir de demain jusqu'au 16 octobre. Ça va se passer au Mont des Arts à Bruxelles. On va en parler avec Julie Delbecq. Vous êtes coordinatrice de l'événement. Bonsoir Julie. Bonsoir Guillaume. Alors Guillaume qui est au standard. Mais vous savez quoi ? Okay. Je vais appeler. Non mais Guillaume. Je vais appeler Guillaume parce que visiblement il se passe un truc entre vous deux. Et ben je vais laisser Guillaume faire l'interview. Voilà. Moi je suis comme un auditeur. Et je vais, voilà. Non mais grâce à vous Guillaume reprend les commandes de cette émission. Pas de problème. Je vois comment Guillaume veut prendre le pouvoir sur cette antenne. Très bien Guillaume. Allez-y. Voilà. Je vais juste augmenter le micro. Ben bonjour du coup Julie. Rebonjour. Alors, on parlait des DS, c'est quoi ? C'est un peu l'équivalent de la Fashion Week ici en Belgique ? Oui, tout à fait, c'est l'équivalent de la Fashion Week à Paris. Donc c'est vraiment c'est la grande mecque de la mode à Bruxelles. Et on va parler de quoi ? On va parler de mode belge, créateurs belges, des jeunes talents aussi, des écoles, un pop-up store et plein de workshops. Et justement, ces créateurs et ces flèches, ces étoiles montantes de la mode en Belgique, c'est qui ? Il y a Nathan, j'imagine ? Il y en a d'autres ? Ah, parce oui, que monsieur connaît les noms des... Moi, je suis à la mode. Hein. Ah, je ne suis peut-être pas comme David Bertrand, moi, je suis à la mode. Ok, ok. Voilà, donc comme tu disais Guillaume, on accueille Nathan, donc Edouard Vermeulen le samedi, avec également Christian Weymans, Louise Assomo et Véronique Branquino, donc vraiment quatre grands du top belge du secteur mode. Le vendredi, on est dans des créateurs belges aussi, qui ont débuté il n'y a pas longtemps et qui vont faire découvrir au public voilà leur dernière collection. Et là on accueille Mansour Badjoko, Brunel Mintona, Tos Franken, Sarah Josis, Ilke Kopp et Dorian Van Overheim. Voilà. Excusez-moi, je suis le stagiaire de l'émission, je me permets une petite allez-y Cyril. Voilà, incursion dans le programme, mais si on connaît aucun des noms que vous venez de citer, est-ce qu'on est has-been, est-ce qu'on a rien à faire là-bas ou on peut quand même venir parce que... Ah non, justement, c'est une raison de plus pour venir parce que en fait voilà, c'est les Dresden Fashion Days sont là aussi pour permettre aux gens qui n'y connaissent rien et aussi ceux qui y connaissent beaucoup de venir toucher la mode vraiment de tout près, de rencontrer des créateurs et d'en apprendre un peu plus sur comment ça se passe, comment on forme les talents de comment les talents de demain créent leur marque. Voilà, c'est un petit peu tout ça les Project Fashion Days. Alors on a déjà vu les images à New York, à Paris, il y a des stars dans tous les sens. Il y a Stromae qui a fait le buzz sans le vouloir il y a quelques jours avec sa nouvelle coupe de cheveux. Il y a aussi des stars, alors il y aura peut-être Guillaume déjà, mais sinon il y a d'autres stars qui seront présentes aux This Brussels Fashion Days. Mais oui, effectivement, en star, on accueille la chanteuse Unique, donc c'est une chanteuse belge, le samedi soir en showcase. Donc voilà, elle fera partie du catwalk avec un set de musique, ce sera assez sympa. Ah bah on a hâte de découvrir ça. Guillaume, vous voulez encore ajouter quelque chose? Non, c'est votre émission. Non, vous avez fait ça très bien. J'en parlerai à la direction. C'est vous êtes un bon animateur. Ça fait plaisir. Bon ben Julie, merci. Et alors peut-être juste avant de partir, si on veut être hyper fashion, là maintenant, on est. C'est quoi? C'est la collection automne-hiver 2016. Automne-hiver, c'est ça. Il oui. faut. Donc on sent déjà le gars qui est à fond sur la mode, hein, parce que même les saisons, il ne connaît pas. Il faut mettre quoi? On s'habille comment pour être bien, pour être top tendance? Alors, pour être bien, justement, on pourrait s'inspirer de Star Wars, hein, parce que le samedi, on accueille des créateurs. Voilà. Non, mais pas du tout. On accueille des créateurs qui ont créé une silhouette unique sur base du thème de Star Wars. Et voilà, on en parle beaucoup. Et voilà, Star Wars, c'est toujours à la mode, donc on ne peut pas se tromper. Donc on s'habille comme dans le film, parce qu'on peut avoir l'air ridicule quand même, on est d'accord. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut venir en Fashion Days. Pas du tout. Si, habillé en Star Wars, on peut avoir l'air ridicule, vraiment. Non, pas du tout. Il faut venir le samedi 15 octobre à 15h au Fashion Days pour justement voir comment le cinéma peut influencer la mode et la mode s'en inspirer et se découvrir comment on ne peut ne pas être ridicule en s'habillant en Star Wars. Voilà. D'accord. J'ai des images tout de suite de soirées costumées qui me viennent en tête. En Jedi. Voilà, en Dark Vador. Merci Julie. Merci. Ça vous dérange pas trop que j'ai posé quelques questions, que c'est pas Guillaume qui a fait toute l'interview? Non, c'était un plaisir. Bonne soirée Julie, à bientôt. Oui, bonne soirée. Il est 17h47 pour la suite. Ah bah j'aimerais bien qu'on écoute cette chanson d'ailleurs. Non, j'en dirais. Amir, oh là là, Amir. On peut être habillé en Amir. Et là, on est top tendance. Amir, il est au top, j'ai l'impression. Il est souriant, il est sympa, il était encore génial ce dimanche à Cap 48. Il y a Ophélie Fontana qui va arriver. Bah, on reste dans le top. Voilà, il y a Amir, il y a Dark Vador et il y a Ophélie Fontana. Dans quelques minutes, c'est l'image du jour qui arrive. Puis le cactus de Jérôme de Warzé. Tout ça, c'est avant 18h. Il y aura vos boucles d'oreilles d'une valeur de 650€ à gagner. Pascal Légitimus, je vous offre vos places pour aller le voir en spectacle. Et encore plein de choses à faire avant 19h. On a du boulot ce soir. Expert Litry, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Litry, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Litry à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertlitry.be. En octobre, Expert Litry vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. Chez O'Green, c'est samedi et dimanche, c'est la fête des fruits. Vous pourrez goûter des fruits, des jus, des confitures artisanales. Nos experts vous donneront des conseils plantation. Pour un arbre fruitier acheté, on vous offre un framboisier. Et il y a plein de chèques cadeaux à gagner. Jardinerie O'Green, National 4 à Louvain-la-Neuve. O-Green.eu. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous êtes plutôt compte perso ou compte commun? Ah bah nous, on gère tout en commun. Ouais, ouais, enfin sauf la lessive. Hein. Bon, compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis. La banque d'un monde qui change. Vivacité présente. Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre? Ben oui. Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Envie de plus de good food au quotidien? Rendez-vous les 22 et 23 octobre pour une foule de découvertes gourmandes sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Pendant les Audi Days, tout est époustouflant. Les conditions sur l'Audi Q5 sont époustouflantes. Sa puissance tranquille et son confort sont époustouflants. Époustouflant aussi, la technologie IEA. Irrésistible, envie d'aventure. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q5 super équipé à partir de 37 500€ et 50% de remise sur la transmission Quattro. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Avant le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive dans un instant, on retrouve Ophélie Fontana pour l'image du jour. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Cyril. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Ça va, ça va. Bon ben parfait, on va parler de l'image qui est dans l'actualité aujourd'hui qui concerne le décès du roi thaïlandais. Oui, l'image du jour, ce sont les larmes des centaines de milliers de Thaïlandais. J'ai presque envie de dire que chaque Thaïlandais pleure en ce moment après le décès de leur roi Bhumibol, donc c'est un nom pas facile. Et les images sont véritablement fortes, on voit ces Thaïlandais qui s'écroulent. Certains sont à genoux en train de prier avec une photo de ce roi à la main. C'était vraiment comme un père. Certains Thaïlandais l'appellent même papa. Alors il faut savoir que Bhumibol, il avait 88 ans, il a régné pendant 70 ans. Donc ça veut dire que certains Thaïlandais n'ont connu que lui comme roi. C'était même le plus vieux monarque au monde en exercice. Il ne le sera plus aujourd'hui. Ce titre sera porté par Elisabeth II d'Angleterre qui en est déjà à 64 ans de règne. Alors il a eu une fin de vie un petit peu difficile puisqu'il était pratiquement depuis 2 années à l'hôpital de manière pratiquement ininterrompue. Il ne faisait plus que quelques rares apparitions. Alors aujourd'hui, dès l'annonce de son décès, les chaînes de télévision ont carrément arrêté la diffusion de leur programme. C'était écran gris. Donc c'est pour dire si en Thaïlande l'heure est grave. Ah oui, il y a même pas d'édition spéciale, c'est juste on arrête voilà, le programme. Voilà, la vie s'arrête un instant. Il faut savoir que les activités de divertissement vont être réduites pendant 30 jours et il y aura un deuil d'un an. Vous avez bien entendu. Un an, c'est énorme ça. Voilà. Alors, pourquoi ce roi était-il à ce point vénéré? Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, le roi il a un statut semi-divin, donc il est considéré comme un demi-dieu et ça c'est l'héritage de décennies d'un véritable culte de la personnalité que Bhumibol lui-même a réussi à introduire. Donc il faut savoir qu'il est arrivé très jeune sur le trône, je vous l'ai dit à 18 ans, et à l'époque la royauté n'était pas aussi bien considérée en Thaïlande, mais lui il a redoré l'image de la royauté. Il a réintroduit lui-même des rites très anciens, parfois un peu ancestraux, mais il a toujours été là auprès de la population. Il a beaucoup soutenu notamment les paysans et son culte de la personnalité. Ben, il était finalement enseigné dès l'école primaire. Il y avait vraiment des portraits de lui partout. C'est vrai que nous aussi, dans les administrations, on voit des portraits de la famille royale, mais là, on était bien au-delà. C'est vraiment partout. En Thaïlande, il n'y a pas un endroit où il n'y avait pas le portrait de Bhumibol. Et il était tellement vénéré qu'il était même aussi protégé par une loi qui punit les crimes de lèse-majesté parmi les plus sévères au monde. Alors, ça veut dire quoi? Ben, je viens vous donner un exemple pour bien comprendre. En 2015, il y a un Thaïlandais qui a été condamné à 30 ans de prison, tout simplement parce qu'il avait posté un message sur Facebook qui n'était pas très favorable au roi Bhumibol. Donc 30 ans de prison, d'accord, simplement pour un message. Donc c'est ça, cette loi qui le protège à outrance de ses crimes de lèse-majesté. Toutefois, depuis 2014, son image, elle avait quand même un petit peu changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup d'état militaire en Thaïlande, donc c'était en 2014, et c'est la junte militaire qui a pris le pouvoir et qui a en quelque sorte instrumentalisé le roi. Le roi qui a accepté finalement de jouer le jeu et il a validé le coup d'état d'une certaine manière, et donc cette politisation finalement elle a quand même un petit peu entaché la magie de cette royauté en Thaïlande. Il avait quand même encore beaucoup de fervents défenseurs, mais malgré tout son image était un petit peu écornée parce qu'il s'est fait utiliser par les opposants au Premier ministre qui a donc été déchu à ce moment-là en 2014. D'accord, alors est-ce que vous savez nous dire qui va lui succéder? Ah voilà, ben, c'est son fils, c'est le prince héritier, c'était prévu comme ça par la loi de toute façon. D'accord. Son nom n'est pas facile, il s'appelle Maha Vajiralongkorn.

Le cactus de Jérôme de Warzé sera de retour demain matin dans le 8-9 et puis demain soir aussi dans le 5 à 7. La météo pour cette nuit, des températures de 1 à 5 degrés. Il va falloir s'accrocher si jamais vous sortez. Vendredi, donc demain, moins de vent, mais un ciel plombé sur le sud du pays. Quelques gouttes résiduelles possibles localement et des maxima de 11 à 14 degrés. Dans un instant, pour la suite du 5 à 7, on va savoir qui repart avec le beau cadeau que je vous offre aujourd'hui. 650 € de bijoux, c'est dans le cadre de la semaine du commerce équitable, la coopération belge au développement qui vous offre donc cette paire de boucles d'oreilles en or équitable. Qui parmi ces célébrités possède une bague faite en or équitable? Vous devez me répondre A, Princesse Kate, B, Princesse Mathilde ou C, Madonna. Si vous avez la réponse, vous envoyez équitable au 60-03 pour 75 centimes le message. Après le journal, on sait qui gagne. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Fazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Le fameux billet a été validé à Schaerbeek en région bruxelloise. 168 millions d'euros à l'euro million. Le gagnant record est un Bruxellois de 45 ans. Nous nous sommes rendus dans la librairie de l'Europe. Reportage dans un instant. Charles Michel, sous le feu des critiques à la Chambre cet après-midi, interpellé et chahuté par l'opposition. Le Premier ministre et son gouvernement serrent les rangs. Charles Michel promet une avancée rapide dans la confection du budget et l'aboutissement des projets de réforme. Dans le journal des sports, on parlera des clubs de Pro League. Le championnat reprend demain soir après la trêve internationale. On verra comment les clubs ont géré ces deux semaines moins chargées. Le journal sur Vivacité, c'est avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. On en sait donc plus sur ce fameux gagnant à l'euro million, des gains records. 168 millions d'euros, le plus gros gain jamais réalisé à l'euro million. En Belgique, le gagnant est bruxellois, il a 45 ans et il joue à l'euro million depuis 10 ans. Il a validé son billet dans une librairie de Schaerbeek en région bruxelloise, la librairie de l'Europe. Cet après-midi là-bas, c'était l'effervescence. Hélène Maquet s'y est rendue. Dans la petite librairie, c'est un peu la cohue. Les caméras, les micros, les photographes. Il y a quelques jours ici, un homme a misé 15 euros. Un Bruxellois de 45 ans qui joue depuis 10 ans sous les yeux de son libraire. Je le connais, mais voilà. Je ne peux pas dire en plus, parce que c'est un montant vraiment énorme. Garder l'anonymat, c'est le souhait du grand gagnant et que la loterie lui garantit. Yann Iac, administrateur délégué de la Loterie Nationale. Moi, je ne l'ai pas accueilli personnellement. On a du personnel vraiment dédicacé. Ça veut dire qu'il y a peu de gens à la Loterie Nationale qui lui ont vraiment rencontré. C'est une meilleure garantie, je pense, pour garder l'anonymat. Et l'anonymat est important parce qu'en effet, quand on est né, tout d'un coup, dans une famille riche, on a le temps pour s'habituer. Ça, c'est vrai. Quand on devient tout d'un coup riche, l'un jour à l'autre, il faut quand même qu'on s'y réfléchisse une fois, qu'on est un peu à son aise. Et donc ça, c'est une période vraiment importante qu'il faut lui donner. Et c'est ce qu'on essaye de garantir. Le grand gagnant prend maintenant le temps de réfléchir. Il a dit aux équipes de la loterie qu'il voulait partager ce gain tombé du ciel avec des gens qui en ont besoin. Il a ajouté qu'il continuerait à jouer à l'euro million. Le Premier ministre était très attendu devant les députés à la Chambre cet après-midi. Les derniers jours et les dernières heures n'ont pas été simples. Je voudrais m'adresser à la majorité, lui dire ma conviction. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons le démontrer et nous le démontrerons. Charles Michel lance un appel à sa majorité pour conclure dans les prochaines heures et sur le budget et sur quelques-unes des réformes annoncées. Le Premier ministre était attendu de pied ferme par l'opposition lors de la séance de questions-réponses. Cette opposition a tiré à boulet rouge sur le report du budget et de la déclaration de politique générale. Fabien Van Eekhout, Ariane Dufresne. Une seule cible pour l'opposition, le Premier ministre Charles Michel, pas assez capitaine du navire gouvernemental pour l'opposition et incapable d'apaiser sa majorité. Catherine Fonck, CDH. Quand, monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin endosser votre costume de Premier ministre? Quand allez-vous enfin diriger votre attelage gouvernemental? Quand allez-vous enfin diriger ce pays avec un seul objectif? l'intérêt général et pas les petits intérêts particratiques. Les critiques d'abord, les craintes ensuite, face aux mesures budgétaires qui ont déjà filtré. Les nouvelles coupes annoncées dans les soins de santé font le plus peur et l'opposition d'appeler à une marche arrière et à quitter l'austérité. Réponse du Premier ministre, oui, les mauvais chiffres ont complexifié les décisions. Oui, il est difficile de conclure dans les derniers arbitrages et d'annoncer espérer aboutir sur le budget et quelques réformes dans les prochaines heures, les prochains jours. Nous avons travaillé difficilement, c'est vrai, par certains moments. Et je constate qu'au moment où je vous parle, il y a encore certainement quelques efforts à faire. Faire encore un pas les uns vers les autres. Le ton se veut à l'apaisement. Sur le temps de travail, les salaires, il évoque de nouveaux contacts avec les partenaires sociaux. La porte n'est pas fermée. Sur l'impôt des sociétés, est-ce qu'il coince encore? Sur la fiscalité, il espère un accord de principe dans les prochaines semaines. Autrement dit, on va prendre le temps avec un retour à la table de négociation aussi vite que possible. Et toujours à la Chambre, la direction de Caterpillar viendra finalement s'expliquer le 25 octobre sur le pourquoi et le comment de la fermeture du site de Gosselies. Le président de la commission économie de l'Assemblée, Jean-Marc Delizet, a rencontré des représentants de la direction belge et européenne du groupe ainsi qu'un représentant de la filiale suisse dans la matinée. Jusqu'à présent, la direction avait toujours refusé de se présenter devant les députés belges, affirmant que selon la loi Renault, elle ne devait rendre des comptes qu'aux syndicats. Mais la Chambre n'a jamais relâché la pression jusqu'à obtenir cette venue afin de garantir plus de transparence sur la fermeture. On a évité un drame de justesse la semaine dernière à l'aéroport de Bruxelles National. Oui, à quelques secondes près, deux avions entraient en collision. L'un voulait atterrir, l'autre voulait décoller. Belgocontrol est pointé du doigt dans la gestion des pistes, mais le contrôleur aérien se défend. Selon lui, c'est une erreur humaine. Apparemment, un des pilotes n'a pas respecté les instructions de la tour de contrôle. Toutefois, d'autres voix, notamment deux associations contre les nuisances sonores, affirment qu'il y a des irrégularités dans la gestion des pistes en fonction de la météo. Le ministre fédéral de la Mobilité, François Bello, réclame un audit pour faire toute la lumière sur cet incident grave. En France, on entre dans le vif du sujet dès ce soir en vue de la primaire à droite et au centre en vue de la prochaine élection présidentielle. Premier des trois débats télévisés, c'est à 21h. Sept candidats sont face à face, dont les deux favoris à la primaire, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. France toujours, où l'on apprend que Jacques Chirac, 83 ans, a quitté l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris cet après-midi. Il y avait été admis le 18 septembre pour une infection pulmonaire. L'ancien président va poursuivre sa convalescence chez lui. C'était le plus vieux roi du monde, le roi de Thaïlande est décédé. Le roi Bhumibol, roi archi-vénéré en Thaïlande. Vous en avez d'ailleurs parlé avec Ophélie Fontana tout à l'heure. Le plus vieux roi régnant du monde. Bhumibol avait 88 ans et régnait sur la Thaïlande depuis 70 ans. Sa disparition pourrait provoquer un choc dans ce pays de 68 millions d'habitants. Bhumibol était vénéré et considéré comme garant de l'unité nationale. Sur place, correspondance de Frédéric Belge. Comme beaucoup le redoutaient, la mort du révéré monarque de Thaïlande, le roi Bhumibol Adulyadej, a été confirmée ce jeudi en début de soirée par le Premier ministre thaïlandais. Un deuil d'un an vient d'être annoncé par le gouvernement. Pour ne pas laisser de doute sur le nom du prochain roi, son fils, le prince Vachilalongkorn, a de suite été nommé comme son successeur au trône. Depuis cette annonce, les chaînes de télévision thaïlandaises passent en boucle des images d'archives du roi, retraçant son long règne et tous les projets qu'il a menés à terme pour le bienfait du pays. Les réseaux sociaux, quant à eux, fourmillent de témoignages de tristesse et de révérence pour le père spirituel de la nation. Les fonctionnaires du royaume sont tous invités à s'habiller de noir durant l'année à venir, a annoncé le gouvernement. La dépouille du roi, elle, sera déplacée demain de l'hôpital où il était soigné vers le palais royal, où une grande foule devrait s'amasser le long du cortège. Le deuil d'un an qui vient d'être annoncé sera, lui, suivi d'importantes cérémonies tout au long de l'année à venir. Les funérailles du roi ne devraient-elles pas se tenir avant de nombreux mois ? Le temps pour tous les habitants du royaume de lui rendre un dernier hommage. Et les témoignages affluent suite à ce décès. Le roi Philippe et la reine Mathilde, en visite d'État au Japon, se sont dit profondément attristés. Et puis le prix Nobel de littérature a été décerné ce midi à Bob Dylan, le chanteur américain récompensé pour l'ensemble de son œuvre, selon l'Académie suédoise, pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique. Et puis Cyril, hasard de l'actualité, on a aussi appris ce matin la disparition de l'écrivain et metteur en scène italien Dario Fo. Et lui aussi, avait reçu le prix Nobel de littérature. C'était en 1997. Ouais, merci David pour ce journal. Dans un instant, l'actu sportive avec David Bertrand. Bonne soirée, David. Bonne soirée et à demain. Eh ben, on fait comme ça, à demain. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. Antoine Binamé, comment ça roule ce soir? Bonjour Cyril. Eh bien, on va commencer avec une bonne nouvelle. Une chaussée était bloquée depuis ce matin sur la N53 Chimay-Charleroi, hauteur de Beaumont. Chaussée à présent dégagée, chaussée rouverte. Plus de soucis à ce niveau-là. C'est une bonne nouvelle. Accident sur le 429 tourné à la hauteur de Marquin. Une bande de circulation neutralisée en direction de la capitale. Une fois sur le ring de cette capitale, vous ralentissez en circulation extérieure entre Zaventem et Grand Bigard. Comptez 25 minutes supplémentaires. 15 minutes perdues pour la circulation intérieure Zaventem Carrefour Léonard et puis ralentissement habituel dans la plupart des tunnels bruxellois. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Vivacité, le journal des sports. C'est avec David Bertrand. David, on démarre avec du tennis. La belle aventure de David Goffin se poursuit au tournoi de Shanghai. Oui, le Belge s'est qualifié cet après-midi pour les quarts de finale de ce Masters 1000 en dominant le Français Gaël Monfils en 3-7. Le Liégeois avait perdu la première manche 4-6 avant de remporter les deux suivantes 6-4-6-2. C'est la première fois en trois confrontations que Goffin bat Monfils. Une victoire et un parcours dans ce tournoi chinois qui le rapproche un peu plus d'une potentielle première participation au Masters qui réunit, vous le savez, les 8 meilleurs joueurs du monde. En quart de finale demain, il rencontrera le Britannique Andy Murray. On notera aussi les qualifications pour les quarts de Djokovic et de Tsonga. Élimination par contre de Milos Raonic, tête de série numéro 5. Il a été battu par l'Américain Jack Sock. Fin de parcours par contre pour Kirsten Flipkens. Elle a été éliminée il y a quelques instants, huitième de finale du tournoi de Linz en Autriche. Défaite en 2-7 face à la tenante du titre, la Russe Pavlyuchenkova. Et puis Nick Kyrgios, le fantasque joueur australien qui a complètement balancé son match hier face à Zverev, a écopé de 15 000 euros d'amende. Le bad boy de Canberra paye là ses nouveaux excès. 9 000 euros pour manque d'investissement, 4 500 pour injure envers un spectateur et 1 500 pour comportement antisportif. Ça fait cher. Le championnat de football reprend ce vendredi soir avec Charleroi-Bruges, après surtout 15 jours de trêve internationale. Oui, une période qui reste toujours délicate à gérer dans les clubs entre la gestion des rythmes et les retours tardifs des joueurs retenus en équipe nationale. Une coupure qui rebat parfois les cartes et peut servir de tournant dans la compétition. Éric Libois a enquêté du côté de Charleroi et au Standard. C'est un nouveau départ. Je ne vais pas dire qu'on va vers l'inconnu, mais c'est toujours une coupure. Philippe Simonin est le préparateur physique à Charleroi. Au tiers du championnat, une trêve tombe à point, mais doit se gérer. Ils s'inscrivent dans une programmation par macrocycle. En général, on essaie de faire coïncider une semaine de régénération entre deux macrocycles sur une période internationale, une date FIFA, de manière à placer les joueurs en régénération. On a un groupe qui n'est pas trop étoffé. Mettre des joueurs un peu au repos et de renchaîner cette semaine sur un nouveau cycle de travail avec un autre thème physique. Une trêve, c'est aussi du temps, enfin du temps pour refaire des réglages. Adrien Trébel, capitaine du Standard. C'est dommage de ne pas garder tous vos joueurs clés qui sont internationaux parce que vous avez 15 jours où vous pouvez vraiment bien bosser les automatismes et tout. On fait beaucoup de jeux réduits, beaucoup de travail athlétique et quand vous jouez tous les 3 jours, vous ne pouvez pas trop bosser en fait. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent, peuvent se montrer et se dire voilà, au moins m'entraîner au quotidien avec les professionnels, c'est encore un autre niveau que les espoirs. Entraînement différencié pour effectifs parfois réduits. Le Standard avait 10 joueurs convoqués en équipe nationale, Charleroi 2. Exemple, Benavente qui a joué avec le Pérou contre l'Argentine et le Chili. Retour au compte-gouttes et décalage horaire. Felice Mazzu, coach de Charleroi. Quand on n'a pas les joueurs sous la main, on ne sait pas très bien comment ils se gèrent. On leur dit évidemment de faire attention. On évalue et on voit dans quel état de forme ils sont. Reste ce grand cliché, la fameuse spirale de la victoire ou de la défaite qu'une trêve de 15 jours viendrait casser, comme un élan qui serait brisé. Adrien Trébel. Ce qui est sûr, c'est que quand vous perdez un week-end avant la trêve, c'est que pendant 15 jours, ben voilà, vous n'avez pas de match et vous savez que vous restez sur une défaite. Mais de là à dire que ça casse une dynamique, moi je ne pense pas. Et comme toujours en football, la seule et unique vérité s'écrira le week-end au Marquoir. Et au programme donc de cette 10e journée de championnat, Charleroi-Bruges vendredi. Pour ce week-end de reprise, on verra aussi la visite de Genk à Moucron, celle du Standard à Courtrai. Anderlecht reçoit l'Auckerun dimanche sans Alexandrou Tchipchi, blessé lors d'un match de son équipe nationale face au Kazakhstan. Le milieu de terrain roumain sera indisponible un mois. En athlétisme, il n'y aura pas de revanche. Il manquait une lettre, c'était Tchipchi. Oui, pardon. Je vous ai vu. Tchipchi, c'est mignon, Tchipchi. En athlétisme, donc, il n'y aura pas de revanche entre Nafitia Bellingham et Jessica Henningsen. Oui, la Britannique, championne olympique de l'heptathlon à Londres en 2012 et deuxième à Rio cet été, battue justement par Nafi, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Elle l'a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Henningsen a 30 ans, elle possède 2 médailles olympiques, mais aussi 2 fois l'or au championnat du monde et un titre de championne d'Europe. Nafi Thiam aura donc la voie encore un peu plus libre au championnat du monde à Londres l'été prochain. La Namuroise y sera par la force des choses la grandissime favorite. Week-end décisif en rallye, Sébastien Ogier peut-être champion du monde. Le rallye de Catalogne vient de débuter avec la Power Stage et le français Ogier, leader actuel du classement, peut décrocher dimanche son 4e titre de champion du monde. Il n'a besoin que de 16 points pour rejoindre Mäkinen et Kankkunen au palmarès du WRC, mais il ne calculera pas et tentera avant tout de remporter ce rallye espagnol. Ça serait bien effectivement de conclure le championnat ici. L'objectif c'est d'essayer de conclure de la meilleure des manières et pourquoi pas en essayant de se battre pour la victoire. Le rallye risque d'être relativement compliqué ce week-end. On a vu que la météo là, a été un petit peu changeante, pas mal de pluie là aujourd'hui juste avant le départ. Donc ça risque de rendre les spéciales terres demain piégeuses. Dans le même temps, moins pénalisantes d'ouvrir la route. Je suis incapable de dire si ça sera peut-être même un avantage, ça il faudra voir. Mais dans tous les cas, ça risque d'être malgré tout plus piégeux pour tout le monde et ça sera des portions qu'il faudra bien négocier. Je me rappelle qu'en 2012, quand la pluie était là, il y avait pas mal de pièges dans les spéciales. L'interview d'Olivier Gaspard, une retraite annoncée aussi aujourd'hui dans le milieu des sports moteurs, celle de Mark Webber. L'Australien de 40 ans rangera sa combinaison Ifugé le 19 novembre. Ce sera après les 6 heures de Bahreïn, dernière manche du championnat du monde d'endurance. Mark Webber a notamment remporté 9 grands prix de Formule 1. Et puis au mondiaux de cyclisme qui se déroule en ce moment au Qatar, le Norvégien Hagvorsen a remporté la course des espoirs ce jeudi. Oui, les 6 Belges présents au départ n'ont quant à eux joué aucun rôle significatif dans cette course espoir. À noter également que Greg Van Avermaet et Tom Bonnen, les 2 chefs de file de la délégation belge pour la course élite de dimanche, ont reconnu le tracé aujourd'hui dans le désert qatari. En bref, enfin pour terminer, contrôle positif pour la multiple championne du monde et médaille olympique de ski de fond norvégienne, Thérèse Johaug. Une erreur assumée par le médecin de l'équipe qui lui a prescrit une pommade pour soigner des brûlures aux lèvres, pommade qui contenait une substance interdite. Je m'en vais travailler mon roumain, Cyril. Ben allez-y. Examen demain pour terminer la semaine. Avec plaisir, salut. Bonne soirée, David. Il est 18h15. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Comme tous les soirs dans le 5 à 7, on partira aux États-Unis. Dans quelques minutes, on retrouvera Sébastien qui est en pleine course à la Maison-Blanche. On l'a quitté, il était à la frontière mexicaine. Où sera-t-il tout à l'heure? La réponse dans un petit quart d'heure, restez bien dans le coin. On retrouvera aussi Kiki l'innocent, il sera ce soir sur la 2. C'est le Grand Cactus, vous savez qu'il y a Jérôme de Warzé entre autres dedans, Adrien de Viveur. Retour sur l'actu, et on a annoncé la semaine dernière l'arrêt du duo de Tataillé avec Michel de Genève. Il a décidé de partir... de partir à la retraite avec sa petite peluche, avec son tataillé. Et ce soir, Martin Charlier incarnera Michel de Genève. On suivra ça tout à l'heure. Martin nous expliquera tout ça dans quelques minutes. Dans le 5 à 7, il y aura aussi des cadeaux ce soir. Je vous invite au Vous Rire Festival. On en reparle dans un instant. Parce qu'à propos de cadeaux, tout de suite, il va falloir passer un petit coup de téléphone. Qui va repartir avec 650 euros de bijoux, une paire de boucles d'oreilles offertes par la coopération belge au développement. Puisqu'on est en pleine semaine du commerce équitable. On va voir si la personne a la bonne réponse. Allô, bonjour. Ah, c'est une femme. C'est une femme qui reçoit pas de bijoux de son mari, ça? Ah si, tout à fait, j'en reçois, si. Ah, mais des moins beaux que ce qu'on offre cette semaine. Ah. C'est quoi votre prénom? Francine. Francine. Francine, vous êtes de quelle région? En Loire. D'accord, et j'ai posé une question tout à l'heure. On va vérifier si vous avez la bonne réponse. Qui parmi ces célébrités possède une bague faite en or équitable? Est-ce la princesse Kate, la princesse Mathilde ou Madonna? La princesse Kate. Eh bien, exactement, c'est une bonne réponse. Ça veut dire que c'est gagné, bravo! Ah, super, merci beaucoup. Ah, bah de rien. Vous savez que c'est lors de leur fiançailles, en fait, hein, que le prince William et Kate Middleton, avaient opté à ce moment-là pour une alliance faite en or équitable, parce qu'ils soutiennent les initiatives équitables et ils sont sensibilisés sur les conditions des travails des mineurs. Et du coup, ils avaient acheté une bague comme ça. Et vous aussi, maintenant, vous aurez des bijoux équitables. Vous en aviez déjà? Non, j'en avais pas encore, non. Ah ben voilà, c'est une première et vous pourrez les porter fièrement. Ça me fait plaisir de vous les offrir, Francine. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Francine. Maintenant, j'espère que le mari de Francine ne va pas être fâché que moi, je lui offre des bijoux, parce qu'après, ça peut faire des problèmes, ces histoires. 18h18, un tout petit peu de pub, et puis on revient dans un instant sur une histoire complètement dingue. Aux États-Unis, un pont devait être détruit. Des explosifs avaient été mis sur ce pont, et au moment de l'explosion, rien. Ça a explosé, mais le pont ne s'est pas écroulé. On y revient juste après ça. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis. C'est vous qui voyez! Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Un budget. Un projet. Profitez maintenant des portes ouvertes Véranda Confort. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Info verandaconfort.be. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hotsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extra sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Ouais, je pense quand même que cette garde-robe va être trop grande. C'est quoi déjà les dimensions de ta chambre? Bah attends, Vanessa me les a envoyées par SMS. Alors, largeur 8 pieds et demi, hauteur 5 pieds. Ah oui, et ça fait combien en centimètres ça? Bah je sais pas, c'est ses pieds quoi. Ah c'est vraiment ses pieds? Ah oui, ok. On la prend quand même? Oui, on va prendre quand même, oui. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en véranda. Tu as un appétit d'ogre? Non, ce sont les régaldés ce week-end, alors je veux pas en perdre une miette. Plutôt que de te rendre malade, si tu faisais comme moi? C'est-à-dire? Moi, j'achète juste ce qu'il me faut. Ce week-end, du 14 au 16 octobre, la Wallonie se mobilise contre le gaspillage alimentaire. Adoptez les bons réflexes à la maison sur planregal.be. Une initiative de la Wallonie. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans un instant, il n'y a qu'un discoteur qui arrive comme tous les soirs dans le 5 à 7. Mais avant, revenons sur cette histoire hallucinante. C'est à retrouver sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF en vidéo. Ça se passe aux États-Unis. Il y a une vieille structure métallique, un pont qui doit être détruit. Des explosifs sont placés. Il y a un public dingue qui est là pour regarder le pont qui va s'écrouler. C'est toujours fascinant quand on détruit un ouvrage. Et puis là, explosion. On voit bien que l'explosion a lieu. Mais le pont ne bouge pas d'un millimètre. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment on prépare la destruction d'un bâtiment, d'un ouvrage ici en l'occurrence? On va en parler avec Nicolas Buguin. Vous êtes responsable de la communication de la société de construction Wanti. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors, vous aviez entre autres travaillé vous sur la destruction de la tour Belgacom il y a quelques mois en région namuroise. Comment est-ce que on prépare l'explosion d'un bâtiment, ici en l'occurrence un pont? Est-ce que c'est possible chez nous qu'aussi ça explose mais que ça ne se détruise pas? C'est un peu forcément le stress de toutes les équipes qui sont en charge de ce genre de démolition. On a de la chance, en tout cas chez nous, chez Wanti, c'est que tout ce qui devait toujours être démoli est toujours tombé. D'accord. Concrètement, c'est déjà bien. Voilà, concrètement, on a l'impression que il suffit de mettre les explosifs et d'allumer la mèche et tout va tomber. Mais par exemple pour la tour Belgacom à Vedrin, comme vous l'avez dit, ça demande un an de travail parce que cette tour est modélisée, maquettée dans nos bureaux, des ingénieurs travaillent et trouvent les les meilleurs endroits où placer les explosifs, quel type d'explosifs placer, et c'est presque qu'un travail chirurgical pour que cette tour tombe de la façon voulue, à l'angle voulu, et que tout se déroule pour le mieux. Alors, si je dis pas de bêtises, la tour Belgacom, en l'occurrence, n'était pas tombée exactement comme elle aurait dû tomber. Alors, en tout cas, elle a été détruite. Ça veut dire qu'il y a toujours une part de hasard. Ici, par exemple, les explosifs, j'imagine que tout un calcul a été fait pour les mettre au bon endroit, mais ce pont ne bouge pas, il ne se passe rien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de risque et par exemple pour venir sur la tour de Vedrin, on était tout près d'une autoroute, donc il fallait absolument que la tour parte du côté des champs et absolument pas du côté de l'autoroute. Ouais. Donc voilà, il y avait eu énormément de calculs, de perspectives qui avaient été élaborées, mais effectivement la personne qui était en charge de l'explosion pour Manti, elle dit à partir du moment où j'appuie sur le bouton. Et à partir du moment où la tour commence à bouger, à s'effondrer, ben je pense qu'elle ne respire pas et que c'est des secondes qui lui semblent très très longues. Et voilà, on peut jamais, dans un travail à l'explosif, à la dynamite, chaque travail est particulier. Il n'y a pas beaucoup d'expériences sur lesquelles se baser. Et donc nous, par exemple, chacun est unique. Mais voilà, et pour cette démolition de la tour, on avait tout filmé avec des caméras avec des zooms très puissants, pour pouvoir vraiment étudier le comportement des structures, des bétons avec les charges, pour toujours apprendre et pouvoir forcément s'améliorer pour chaque démolition suivante. Eh ben, merci pour vos explications, Nicolas. Cette vidéo bluffante est à voir sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. C'est assez dingue de voir ce pont qui explose, mais qui ne bouge pas au final. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir Nicolas, à bientôt. Merci. Au revoir. 5 à 7. C'est le moment gourmand de l'émission. Bonsoir Candice Cotter. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Ce soir, une tendance food sucrée à souhait. Le Candy Art version Christam Ramos. Alors, je n'ai rien compris. C'est normal. C'est ce que j'allais vous dire. Si cette phrase vous a paru bizarre, c'est normal. Le Candy Art, donc c'est l'art bonbon, l'art sucré, ouais, en gros. Et Christam Ramos, c'est le nom d'un artiste mexicain qui a 35 ans et qui aime créer de nouveaux concepts. Et il a décidé de sortir des sentiers battus et de créer des œuvres, en l'occurrence des portraits de stars américaines, en bonbons. Donc il a en gros en stock des milliers de bonbons, un truc qui ferait rêver n'importe quel diabétique. Et j'allais dire moi la première, je ne suis pas encore diabétique, je me laisse 10 ans, mais sinon voilà, ça me fait déjà rêver. Et il réalise des portraits de stars composés uniquement d'oursons, de M&M's, de chewing-gum, etc. Donc chaque portrait contient entre 5000 et 7000 bonbons. Donc il faut imaginer un peu la patience. Ouais. Mais au final, ça vous donne un truc qui est franchement extra. J'étais dubitative, je me dis oui, les bonbons, en gros, on voit quand même qu'il y a un relief, ça doit être quand même bizarre, on doit voir le choc-out-off, quoi. Ouais, et ouais. Ben non, en fait, c'est vraiment super bien fait. Donc jusqu'à présent, il a bonbonifié, en français dans le texte, de Marilyn Monroe en passant par Sandra Bullock, le Justin Bieber of course, le Beyoncé, enfin la Beyoncé, Elvis Presley, Nicki Minaj, on a du Lady Gaga, on a du Michael Jackson qui est super bien fait, donc ça vraiment je vous invite à aller voir. Et il a également créé, tant qu'il est dans son trip bonbon, une moto en 3D, une moto grandeur réelle, ouais, 3D, qui a demandé 20 000 bonbons. Et ça lui a permis de décocher une place dans le Guinness Book. Donc il faut imaginer le type qui est dans son, qui a démarré sur des canettes, en gros, des canettes de boissons qu'il découpait pour avoir des morceaux de métal pour pouvoir en faire des œuvres. Mm-hmm. Et il s'est dit, d'un coup, le bonbon, tiens, pourquoi pas. À un moment, on s'éveille, un matin, on s'éveille. Bah, on se blesse moins. Hein. Ça, c'est clair. Mais on devient plus vite un peu plus gros. Ça, c'est sûr et certain aussi. Ah, c'est donc, un pour la moto, un pour moi. Il y a le grignotage. C'est ça le problème. Il y a le truc compulsif obligatoire. Mais après, on a envie de croquer du coup dans ces œuvres. Clairement, c'est très beau. Et alors, ceci dit, c'est extraordinaire parce que ça se vend quand même 8 000 $ la toile. Ah, c'est cher le Haribo. Et ça se vend. C'est-à-dire que le type, il fait ça tellement bien. Allez voir si vous êtes amateur d'art. Franchement, ça peut vous donner des idées. C'est assez inspirant. C'est très, très, très bien fait. Le type explose sur la toile et a raison parce qu'il fait ça vraiment bien. Je vous invite à aller visiter son site internet on va y arriver. Ramos. Bonne chance pour l'écrire. Christian, comme Christian, mais avec M à la fin. ChristianRamosArt.com. Et vous avez évidemment toutes les coordonnées, c'est peut-être un peu plus simple, sur vivacité.be. Ça vous permet d'aller cliquer direct et d'aller voir ce qui se passe dans cet univers-là. Regardez, mais pas toucher. C'est de l'œuvre d'art, attention. Toucher, mais pas lécher. Parce que sinon, ça colle. Et alors, à ce moment-là, ça devient vraiment gluant et ça peut fondre et ça vous fend le truc en l'air. Ça fend le truc. Et comme c'est cher. $8 000, c'est trop dangereux. Merci, Candice.

48, c'est le RTBF Mobile Info et on retrouve Antoine Binamé. Et un accident qui s'est produit sur la N5 qui relie Charleroi à Couvin, c'est à hauteur de Jamagne. Plusieurs véhicules impliqués, la chaussée serait a priori entravée dans les deux directions, donc soyez prudents. Accident sur le 429 tourné à la hauteur de Marquin, une bande neutralisée en direction de la capitale, ring de la capitale ou en circulation extérieure entre Zaventem et Grand Bigard, vous perdez encore 25 minutes, moins de 10 minutes perdues pour le tronçon en circulation intérieure Zaventem, Carrefour Léonard et ralentissement habituel dans la plupart des tunnels bruxellois. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. I accept your nomination for the presidency of the United States. La course à la Maison Blanche. Quelle aventure cette course à la Maison Blanche, c'est à suivre 24h sur 24 sur rtbf.be/maisonblanche, sur la page Facebook aussi la carte, la course à la Maison Blanche et puis tous les soirs dans le 5 à 7 on va retrouver Sébastien. Sébastien, on vous avait laissé à El Paso au Texas il y a quelques jours et là ce soir on vous retrouve à Memphis dans le Tennessee. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir Cyril. Memphis, Tennessee, donc 1700 km à l'ouest. C'est le berceau du blues, hein, vous le savez, c'est la ville d'Elvis Presley, bien entendu, sur les rives du Mississippi. Alors avant cela, j'ai pris l'avion depuis El Paso et j'ai passé aussi deux jours à Little Rock. Little Rock, qui elle est une ville pas spécialement fun, hein. C'est la ville natale de Bill Clinton et la capitale de l'Arkansas, ouais. Dont Bill Clinton a été gouverneur. C'est un état qui est resté plutôt conservateur et qui a par exemple interdit le mariage gay par référendum en 2011, un état aussi qui applique la peine de mort par injection. Little Rock était aussi la sixième sur la liste des villes les plus dangereuses établies par le FBI. Mais bon, je vous rassure, Cyril, je ne suis pas allé traîner dans les ghettos, je suis plutôt resté en centre-ville. Et pas de frayeur alors en centre-ville, tout s'est bien passé? Non, tout a été sans problème, c'est assez calme. Alors je crois que vous en avez aussi profité pour avancer sur l'un de vos défis. Oui, exactement. Un des défis dont l'intitulé est « Se soigner aux États-Unis » que vous pouvez retrouver sur le site de la course à la Maison Blanche. Alors, vous savez que c'est très cher de se soigner aux États-Unis. Mmh. Vous savez aussi que la réforme du système de santé, c'était l'un des objectifs majeurs de Barack Obama. C'était le grand œuvre de son premier mandat. C'est la réforme dite des soins abordables qu'on a appelée ici Obamacare. L'enjeu, c'était de permettre aux Américains les plus modestes de bénéficier d'une couverture santé. Et 6 ans après la promulgation de cette loi, on en est quand même loin. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas couvert? Alors non, en fait encore aujourd'hui, plus de 9% des Américains n'ont toujours pas les moyens de se payer une couverture santé. C'est le cas notamment de David, un jeune réceptionniste à temps partiel que j'ai croisé dans un hôtel. Il a 25 ans, il gagne 1000$ par mois et ça lui coûterait au moins 500$ par mois d'avoir une assurance. Ouais. Autant dire qu'il n'est pas couvert, ouais, il ne va pas chez le médecin, il se contente d'acheter ses médicaments en grande surface. Il faut savoir qu'ici, une simple consultation chez le médecin sans intervention, c'est minimum $130. Ah ouais, c'est énorme, c'est autre chose que chez nous. Et donc le fameux plan Obamacare dont vous parliez, il n'a pas amélioré les choses? Alors quand même, si, ça faisait des années que le Congrès et le Sénat américain tentaient de réformer le système de santé. Obama a réussi, cela a permis quand même à 20 millions de personnes modestes de se payer une couverture santé. Mais dans le même temps, les compagnies d'assurance ont augmenté leurs tarifs, qui au final pénalise les Américains de classe moyenne, soit la majorité de la population américaine. Et c'est vraiment l'immense paradoxe de cette réforme qu'Hillary Clinton promet de corriger si elle est élue le 8 novembre prochain. Eh ben merci Seb pour ces belles histoires que vous nous racontez, vos aventures. Prochaine étape, vous allez où? Alors, après le blues, ce sera la country, direction Nashville, toujours dans le Tennessee. C'est donc la capitale de la country. C'est aussi ici qu'est né le Ku Klux Klan, puisque c'est un état du Sud qui a été ségrégationniste pendant de nombreuses années où les inégalités persistent encore aujourd'hui. Est-ce que vous danserez la country? Est-ce qu'on vous verra en vidéo faire une belle chorégraphie sur le site de la Maison Blanche? Je ne peux pas vous le promettre, mais ça peut être effectivement probable. Ah ben, en tout cas, il faut être au taquet sur les réseaux sociaux, il faut vous suivre hein, pour voir si vous allez danser ou pas. La page Facebook, c'est la course à la Maison Blanche et le site internet rtbf.be/maisonblanche. Merci beaucoup et à très vite alors. À bientôt Cyril. Au revoir, il est 18h37. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Aujourd'hui, dans Pop Story, nous allons vous ressortir quelques 45 tours peut-être oubliés, mais ô combien indispensables dans l'histoire des charts et des hit-parades. Qui se souvient du New Beat et de tous ces groupes totalement déjantés qui fabriquaient dans leur cave à la fin de la décennie 80 une musique industrielle à partir de machines de plus en plus sophistiquées? Qui se souvient de 101? C'était très avant-gardiste et toute une génération a gesticulé là-dessus. On ne peut passer outre le phénomène Megamix. Village People, Imagination, Clo-Clo, Jive Bunny, Boney M, des producteurs sans scrupules ni pitié pour leur groupe ou artiste, vivant ou mort, retraité, oublié ou encore en activité, ont compilé ces espèces de tambouilles très en vogue au virage de la décennie 90. Même le légendaire groupe Chic n'a pas échappé au phénomène. Dans un tout autre style, c'est en 86 que l'on découvre dans les hits européens Stéphane Escher, un jeune artiste suisse déjà très en avance dans la création musicale, assisté par toutes sortes de machines. Auteur, compositeur ou look de gitan, il s'impose sur le vieux continent dès ce premier 45 tours. Et ouais, c'était du vinyle, Two People in a Room. Parmi ces inoubliables ou incontournables qui ont fait les années 80, j'ai retrouvé aussi Luna Parker. Par son insouciance et sa légèreté, Tes États d'Amérique a marqué son époque. Il y a du fluo, des bulles, des couleurs qui dégoulinent, de la boîte à rythme et du synthé. Pas de doute, nous sommes bien en 1987. Classés dans les charts, les hits et les tops en 1987, Luna Parker, Tes États d'Amérique. Pop Story. L'histoire des hits. Merci Marc Touesca. Retour de Marc demain pour un nouveau Pop Story dans le 5 à 7. Dans un instant, pour la suite, on va parler de quoi? On va parler de ce qu'il y aura ce soir à la télé. Vous savez, un jeudi sur deux, le rendez-vous est pris avec le Grand Cactus. Et ce soir, retour sur l'actu. Et dans l'actu, bah, il y a eu entre autres cette annonce la semaine dernière. C'est fini, on ne verra plus Tataillé sur scène ni dans les médias. Martin Charlier, Kiki l'Innocent interprète le papa de Tataillé ce soir dans le Grand Cactus. Il sera avec nous dans un instant. Et puis, il y a des cadeaux à gagner ce soir aussi. Si vous voulez aller applaudir quelqu'un de très drôle, Pascal Légitimus, qui sera au Vous Rire Festival 2016 à Liège, ben c'est le 23 octobre que ça va se passer. Et si vous n'avez pas vos places, ben il faut les gagner maintenant. J'ai deux places à vous offrir pour aller le dimanche 23 octobre à 20h au Trocadéro à Liège. Si vous voulez aller regarder ce membre des Inconnus, si vous voulez aller voir Pascal sur scène, qui est vraiment drôle, ben vous inscrivez maintenant. Vous envoyez Rire par SMS au 6003, c'est 75 centimes. Le message, bonne chance.

première personne de métier à m'avoir conseillé de me lancer professionnellement dans l'aventure. C'était en 2005. Oui, c'était en 2005, au lendemain de ma victoire au Festival de Rochefort, et je faisais sa première partie dans un café théâtre à Liège. Et tout de suite après, il m'a dit « Allez, maintenant, ça fait plusieurs mois que je t'observe, il faut que tu y ailles maintenant, il faut que tu y ailles sans filet. » Je jure que c'est vraiment la première personne de métier qui m'a dit ça. Donc ça m'a particulièrement touché quand j'ai dû faire ce sketch hier pour le Grand Cactus. Donc ce sera un grand moment de délire, ça je peux déjà vous le dire. Ah bah, on découvrira ça ce soir, ouais. Et puis ça me touche d'autant plus qu'en fait... J'organise aussi un festival d'humour dans ma ville à Herve, et pour le deuxième festival, c'était également lui, le président du jury, donc c'est vous dire si j'ai des rapports plus qu'étroits avec Tataillé. Et alors, du coup, est-ce que c'est facile de rigoler de quelqu'un quand on le connaît comme ça? Qu'est-ce qui est le plus facile, quand on connaît pas ou quand on connaît? En général, c'est quand je connais, parce que quoi que je dise, même si des fois c'est on n'y va pas avec le dos de la cuillère et qu'on y va au vitriol, moi je ne sais personnellement me moquer que des gens que j'aime bien. Donc plus j'aime bien les gens et plus c'est facile pour moi. Ce serait très difficile pour moi de faire un personnage comme Bart de Weaver, par exemple. Parce d'accord. Que ça, évidemment, voilà. Et alors là, forcément, ben là on est à fond dedans, quoi. Et alors il faut aussi savoir que bon, sur le Grand Cactus, il y a Jérôme évidemment, mais ça griffe sur pratiquement tous les textes. Il y a des co-auteurs, j'interviens également là-dedans au point de vue de l'écriture, et donc le tout l'un dans l'autre, ça fait une belle synthèse de tout ça, et voilà, donc ce sera magnifique, quoi, je crois. L'émission est enregistrée, vous l'avez dit, ça a été enregistré hier, ça passe ce soir. Il y a combien de fous rires sur un enregistrement du Grand Cactus? Combien de fois il faut redémarrer parce que vous êtes mort de rire? Eh ben là, je dois te dire que on est assez pro pour ça. En tout cas, c'est quelque chose qui m'arrive assez rarement. Parce que vous êtes quelqu'un de triste dans la vie, c'est ça? Non. Vous rigolez jamais. Non, parce que je fais très attention à la mémorisation du texte et tout ça, et une fois que je suis concentré dans mon truc, c'est très difficile d'en sortir. Néanmoins, Cody, c'est quelque chose qui lui arrive un peu plus fréquemment que moi, et je dois avouer qu'on a eu peur de ça hier, parce qu'à la répétition, on n'a pas arrêté d'avoir eu des fous rires tout le temps. Ce n'est pas arrivé le soir, mais je m'y préparais, je dois avouer. Eh ben, on découvrira ça ce soir, donc le rendez-vous est pris 20h15 sur la 2. On vous verra donc en compagnie d'un Tataillé, alors Tataillé particulier. On a un extrait de ce qui sera diffusé ce soir sur la 2. Bon, écoute, il y a une jolie dame, il faut lui dire bonjour. Mais c'est quoi, il y a une jolie dame, qu'est-ce qu'on dit? Pire, qu'est-ce que t'es bonne, toi? Non. Mais non, on dit pas qu'elle est bonne, on dit quoi? T'es super méga bonne. Et dis donc, t'as déjà fait l'amour sur une véritable peau de bête? Viens, je vais te montrer ce que c'est un Tataillé chaud. Tataillé, ça va. Tataillé, ce n'est pas poli de dire ça. C'est pas poli, ça fait 40 ans que tu mets le bras dans le cul et c'est moi qui suis pas poli. On découvrira la totalité tout à l'heure, donc 20h15, le rendez-vous est pris pour regarder le Grand Cactus sur la 2. Merci Martin, à très vite. Mais c'est un plaisir, à très bientôt. Cyril, à 3, tu peux te réveiller à la 1, à la 2, à la 3. Oh, c'est magique, ça fonctionne, comme avec Mesmer. Merci Martin. Ce soir, il ne faudra pas manquer aussi Céline Dion, hein, qui sera une autre grande invitée de ce Grand Cactus. Céline Dion qui viendra parler de son album Encore un soir. Et ça, c'est une exclusivité quand même, c'est sur la 2 ce soir. Il est l'heure de retrouver d'autres personnes qui nous font bien rire tous les jours. C'est les Enfants de cœur avec Jean-Michel de Bénezet. Vous allez retrouver un classique de Jean-Michel, La pêche au canard. Les enfants de cœur. Allô, quoi? Oui. C'est parce que je me suis déjà tracassé une fois, mais c'est vrai, la jeunesse, c'est quand même la Belgique de demain. Et moi, je me suis inquiété des tout petits, 3 à 5 ans. J'ai pensé à ça parce que j'étais dernièrement à Liège, il y avait une fête là avec des carousels et tout ça, là, une fête foraine. Et je pensais, moi, les parents qui ont des enfants de 3 à 5 ans, où est-ce qu'ils vont au premier stand? À la pêche au canard. La pêche au canard. Est-ce que quelqu'un dans sa vie a déjà vu une seule fois qu'on pêchait un canard? Non, plus rien, s'il n'y a que moi qui vois ça, mais... Allez, Il mettrait, je sais pas, des gros poissons rouges avec un anneau au-dessus, on comprendrait. Mais quelle est la brutie qui un jour s'est décidée et a dit « Tiens, on ferait bien pêcher des canards à nos petits-enfants. » Oui, mais le gamin, plus tard, il va avoir des amis chasseurs. Ils vont dire « Tiens, demain matin, on irait bien à la chasse aux canards. » Voilà les deux qui arrivent avec leur fusil. Et lui, la canne à pêche. Il va avoir l'air bien, ça, le gamin. En plus, il sera là, assis au bord du lac, il se dira, mais c'est pas les mêmes canards, il n'y a pas un anneau dessus. Il devrait quand même réfléchir un peu. Et attention, c'est pas tout, hein, parce qu'il y avait un carrousel plus loin, vous savez, les petits carrousels d'enfants. J'ai regardé, c'est pas une blague. Hein. Il y avait un cheval. Derrière le cheval, un camion de pompiers. Et derrière le camion de pompiers, une fusée. Donc, dans la tête du gamin, le cheval court plus vite que le camion de pompiers. Et le camion de pompiers va plus vite que la fusée. Oui, mais dites plus tard, quand il va rentrer avec un 2 sur 20 en physique, le gamin ne fera pas lui en vouloir, hein, qui se trompe dans les vitesses des robinets qui fuient et des baignoires qui se remplissent. Moi, je dis quand même, on devrait faire attention. La base, c'est tout, quoi. Regardez la preuve, quoi. Donc, non. Moi, je dis à l'école ou ailleurs, là, on a quand même tout dit que ça, quoi, qu'il ne va naître. Bravo, Enfants de cœur que vous retrouvez sur vivacité.be et qui viendront à nouveau demain dans le 5 à 7. Il est 18h54 avant la fin de l'émission. Il y a Guillaume qui va nous donner une info de grande, grande importance. On verra de quoi il s'agit dans un instant. Guillaume, on parlera de... De couple et de poids. Ouh, attention, attention. Mais avant, on va savoir qui repart avec ses places pour aller applaudir Pascal Légitimus au Vos Rires Festival. C'est à Liège. C'est René qui est avec moi au téléphone. Bonsoir René. Bonsoir Cyril. Comment ça va? Ben, ça va bien, d'autant plus que j'ai gagné. Ah ben oui, vous avez fait quoi aujourd'hui? Je suis allé conduire une vieille dame chez un médecin. D'accord. Chez le cardiologue, et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est gentil, ça, ça c'est bien. René, vous serez le 23 octobre, c'est un dimanche, au Trocadéro à Liège, puisque vous gagnez deux places pour aller voir Pascal Légitimus pour le nouveau One Man Show, c'est comme ça que s'appelle son spectacle. C'est top ça. Ben, c'est génial. Vous l'avez déjà vu sur scène quand il était avec les inconnus? Non, je ne l'ai jamais vu qu'à la télévision. Ah ben là, vous allez pouvoir le voir avec en vrai. Avec les inconnus. En plus, il est super sympa, vous avez passé vraiment un bon moment. Amusez-vous bien, René. Eh bien, c'est gentil. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt sur Vivacité. Merci vous aussi. Hein. Au revoir, René. Merci. Avant le Tip Top, la quotidienne, Guillaume, cette info donc, qui concerne les couples et le poids. Et le poids. Et les disputes de couple. Parce que c'est vrai que quand on se dispute, ben, c'est déjà pas agréable. Il y a la dispute de couple, donc ça joue sur le moral. Bah, mais vous, ça disputez, peut... vous disputez, vous Non, pas souvent. Pas souvent, mais ça arrive. Et parfois, c'est pas forcément des disputes, mais vous voyez des discussions un peu houleuses. Où on, voilà, on... Comme quoi, c'est quoi votre dernière dispute avec madame? Bah, ça peut vite être sur « je te fais toujours à manger » ou « tu rentres tard, donc c'est moi qui dois toujours faire les courses ». Ah donc, elle fait tout, vous ne faites rien, quoi? Elle serait contente que vous disiez ça, mais vous n'allez pas le dire deux fois, sinon elle va me le rappeler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez que ça a une influence aussi sur le poids. Alors, c'est une étude scientifique, donc les scientifiques ont observé 80 couples hétérosexuels. Ils leur ont demandé de parler durant un quart d'heure de ce qu'ils aimeraient que leur conjoint change. Ouais. Donc, c'est pas une grosse dispute à la base, mais c'est quand même une discussion assez houleuse. Et puis, les participants étaient ensuite invités à une collation durant laquelle les chercheurs ont observé la quantité d'aliments consommés par chacun. Eh bien, sachez que les hommes ont mangé à leur faim de façon normale, mais par contre, les femmes, elles, quand il y a une petite dispute, elles ont tendance justement à aller chercher des collations et à remanger, manger encore. Donc ça peut jouer sur le poids, sur la balance, mais plutôt du côté des femmes et apparemment pas du côté des hommes. Donc nous, je vais pas dire que ça nous atteint pas, mais voilà, les femmes elles se disent ben oui, je mangerai bien un peu plus parce que. Donc la prochaine dispute à la maison, Olivier Gilin, vous allez pas me contredire. Quand madame s'énerve, chérie, arrête de t'énerver, tu vas grossir. C'est le frigo qui prend. C'est pas voilà. Quand il y a bagarre, c'est le frigo qui prend. Si vous voulez, je vous dis. Est-ce que le fait de lui dire, chérie, t'énerve pas parce que tu vas grossir, c'est pas risqué encore des problèmes? Vous rendez